Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Bonjour, bienvenue et merci d'avoir pesé sur Start. Vous êtes dans la barrique numérique avec les frères Cassette, là où les jeux vidéo et la bière se rencontrent sans bug. Ni glitch. Moi, c'est Gilles. Et moi, c'est Gaétan Cassette. Et puis, vous êtes dans la barrique numérique, comme on vient de dire. Qu'est-ce qu'on fait? On parle d'un jeu, puis... On parle de bière. Puis, on fait ça en même temps. Ben oui. Puis, idéalement, on boit la bière en même temps qu'on parle du jeu, parce qu'il faut bien se distraire, bâtard. Dans cette société de fous-là. Mais hein, ça prend bien des petits échappatoires des fois pour sentir qu'on vit vraiment. Eh oui. Fait que parlant d'avoir vécu vraiment, puis échappatoire, ce qu'on a fait le dernier épisode, c'était un concours de dessin. Ben oui. On a eu un gagnant. Ouais, qui a été un peu prématuré d'ailleurs, mais ça... C'est-à-dire que ça a été le seul participant aussi. Il y a ça. Pas grand monde avec... On félicite Poelman, vraiment, là, l'aubergine avec les lasers et tout, là, c'était... Il s'est donné. Oh, J'aime beaucoup l'utilisation des deux tons. Ouais, quand même. Minimaliste, là, mais non, c'est parfait. Ça, blanc-noir, là, c'était... Ouais. Mouah. J'ai juste pas compris pourquoi il était en prison, parce que c'est ça comme il y avait des lignes bleues verticales, mais j'ai pas compris. T'es sûr que tu te trompes pas avec les lasers? Là, c'est... Non, les lasers, ils étaient comme en diagonale, eux autres. Moi, tu parles des autres bords, là, ceux qui avaient sa feuille en partant. Là. Oh, c'était donc ça! Mais demande bien comment ça a fait pour passer au conseil. Anyway. C'est bien beau. Début d'émission en deuil aussi, parce qu'on a appris la mort de Jean Béliveau au courant de la semaine dernière. Ben oui, fait que... Fait qu'on souhaite que le Canadien gagne... Parce qu'il joue contre Vancouver à soir, puis ben c'est ça. Ouais, hein, vous comprendrez aussi que l'émission est présentée en différé, donc ne pas tenir compte de cela. Ou bien, est-ce que vous pouvez essayer de synthétiser la game pareil, ça devrait jouer dans à peu près 2 heures. Là, fait que si vous êtes chanceux, là, vous avez peut-être que le Canadien va jouer dans 2 heures contre Vancouver au même moment que vous allez écouter l'émission. Mettons que tu es un enregistreur aussi, tu sais. Ah ouais, écoute, au pire, tu as enregistré la game, puis tu vas l'écouter dans 2 heures, tu sais, ça fit. Chris, on est productifs, nous autres. Ouais. Qu'est-ce que c'est pas avec ça? Parlant de produire, oui. Faut bien qu'on produise une émission de radio, ben, on va dire de TV. On n'est pas encore à la TV, nous prochaine autres. Étape. Bon, on va finir par se trouver une handycam à un moment donné. Puis, une vieille handycam. Ouais. Ça marche bien dans je pensais plus me trouver une caméra Super 8 ou de quoi de même. Là, en fait, quel genre de caméra 89 utilisait? Je sais pas, man. C'est toi le spécialiste là-dedans. Ouais, hein? Je sais. Non, faudrait que je m'informe. Je suis pas sûr du gear qu'il utilisait, mais... Prochaine fois qu'on fait, un projet genre web télé, on va faire de l'abus du zoom d'en face, okay. Souvent. C'est bon, ça. Toujours mettre de l'intonation sur des mots qui n'ont pas rapport, c'est bien important. Super bon. Fait comme on disait, produire, par les temps qui courent, il commence à faire fret, commence à neiger, il faut donc sortir notre instinct de survie. Ben oui. Fait qu'on a pensé à faire une review du jeu Tomb Raider. Ben, pas le choix, parce que ça fait déjà un bout qu'on a parlé qu'on voulait le faire, puis ça a jamais donné, puis on s'est dit, hey, y a pas vraiment de jeu qu'on a joué tous les deux, fait que pourquoi pas jouer celui-là? Ben oui, puis que ça change qu'il soit vieux, vous aimez ça pareil. Ben c'est ça, puis tu sais, il y a le Definitive Edition HD Triple Ultra Super Édition Remix qui est sorti, il y a pas super longtemps. Ouais, puis j'espère qu'ils ont réglé les bugs de Walkthrough Break, mais on y reviendra. Fait que, là, on me pointe ici parce qu'il y aurait apparemment une créature poilue sur la table qui s'apprête à faire un saut périlleux en hauteur. Et on n'est pas sûr. On attend, on va voir. Et oh, je donne un 10, moi. Ah, 10. C'est pas pire, hein? Quand même, l'effort, il est là, tout. Il est assez habile. J'avais juste peur que le meb tombe, mais sinon, le reste. Sais-tu, les 20 premières fois qu'il l'a fait, moi aussi, j'ai eu peur, mais là, je commence à y faire confiance. C'est ça, tu sais, c'est ce qu'il fait. Là. C'est ça. Fait que tout ça pour dire Tomb Raider, tout ça pour dire aussi Lara Croft. Ben oui. Faut pas oublier de dire le T à la fin, parce que sinon, ça peut sonner comme Lara Croft. Ouais, mettons, là, c'était genre 16 ans. Pis, ok, c'est ça, c'était une mauvaise joke de mon oncle, là, je m'excuse. Bon, c'est ça. Elle, elle est pognée en quelque part, elle n'a pas le choix de survivre, mais elle ne se laisse pas imposer de loi. Alors, non. C'est pourquoi qu'on a choisi une bière qui irait bien avec ce jeu-là, et que de mieux que la bière L'Insoumise. D'Archibald de microbrasserie, c'est une petite brasserie de Québec. Qui fait entre autres la chippie, la matante, la ciboire, le joufflu. La petite Chris. La petite Chris. Moi, je les aime juste à cause de leur nom. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est un beau branding, c'est des belles bières. Mais Oui. Et d'autres bonnes bières, mais l'Insoumise, c'est la première fois qu'on y goûte ensemble à soir. Moi, j'ai jamais goûté en partant. Puis non, c'est ça. Le branding de celle-là est comme différent des autres. Va savoir pourquoi. Ouais. On va l'essayer, puis on verra bien si c'est bon dans la GL. S'il y a des gens de Québec là, qui nous écoutent, là, s'il vous plaît, dites-nous-les. Ouais. Puis là, on n'a plus besoin de petits porte-clés tout rouillés parce qu'on a des canettes. Ouais, c'est Archibald, semble d'embouteiller ou bien de distribuer seulement qu'en canette. Ben, c'est ça, tu sais, fait qu'on de, fait... De Vincennes, faut le dire, belle canette à Vincennes. Quand même, on devrait rentabiliser, faudrait ramener tous les corps morts qui traînent depuis un an et demi. Là, on va dire, depuis le début de la barrique, là, il commence à en avoir un méchant paquet à sa galerie. Ouais, je pense qu'il commence à avoir des animaux là-dedans, puis des formes de vie un peu louches. Ouais, mais c'est pour ça que je suis allé me chercher un lynx sauvage. Celui qui est sauté sur le vaisselier, il est correct. C'est une couple. Ah, c'est bon, c'est bon. Bon, ben, pchite donc tout cela. J'ai pété ma clé. Oh, yeah! Ça a fait mal, mais c'est pas super. Puis on a piqué tous les deux avec ça. C'est correct. Va falloir qu'on... Oh. Moi, la technologie des fois. Là. Anyway, fait que ma affaire coulée. Ben, il faut. Ouais, là, moi, j'ai coulé ça comme tout croche. Fait qu'il y a plus de mousse que de bière dans mon. Toi, là, t'aimes non seulement manger du jambon, t'aimes agir comme un jambon. Ben, écoute, je suis un jambon. Je suis né pour un jambon et. C'était pas ton petit nom du milieu, ça? Gaétan Jambon Cassette? Ouais. Ben, c'était mon surnom à l'école, là, parce que j'avais tout le temps des tranches de jambon qui. Sur moi en tout temps. Là, genre, j'avais ça dans les poches, ça traînait. T'sais. C'est toujours un bon snack. Tu te sors une tranche de jambon des poches, tu manges ça. C'est correct. Là. À ne pas confondre avec un certain gros jambon mouillé. Non. Qu'on a jadis pu croiser dans certains magasins de disques de la grande région de Montréal. Ouais. Ça pour dire. Son odeur est décrite par son nom. Je te dis chin. Ben chin, je vais essayer de boire de la bière puis pas trop de mousse. Ouais, tu veux-tu une cuillère, une pomme? Non, ça va aller, je pense. Un écumateur? Ah, d'accord. Non. On avait-tu dit que c'était une IPA? C'est même pas une IPA, c'est une pale ale. Ah, c'est juste une pale ale, excusez. Ouais. Ben pas juste dans le sens, ce n'est... Ouais, c'est ça, une pale ale. Ouais, c'est juste pale ale dans le sens qu'il n'y a pas le mot India devant. C'est ça. Ben, il y a IN au début, mais c'est le IN de la canette de l'Insoumise. Ouais, entre autres. C'est pas pareil. Mais est-ce que l'Insoumise est indienne? Peut-être pas, parce que ce n'est pas une India Pale Ale. Entre autres, puis elle va regarder sa face, je dirais non, de même. Ouais, ben c'est dur à dire, hein. En deux tons même, là. En blanc, puis en miroir. Ah, les gars. Fait que qu'est-ce qu'on a dans le verre? Ben, on a une bière qui est relativement ambrée. Ouais, qui est pas mal ambrée, honnêtement. Je m'attendais à plus clair que ça pour une PLL. Ouais, aussi. Non, elle est quand même relativement foncée. Dans ton cas, elle a une belle. Elle a un très beau col. Elle a juste du col. Elle a plus de col qu'elle a de corps. Je pense que la seule autre personne qui a autant de col que toi, c'est Thomas Plekanets. À peu près. Ouais. Mais en tout cas, dans mon cas, elle n'est pas super parce que moi, je fais verser ça, une canette. Là. Ben oui, c'est ça. Mais parce moi, que toi, non. On sait bien, les seules canettes que tu bois, c'est des petites canettes ventilées de marde. Là. C'est ça. L'invention du démon. Utile de cossin de gamique international. Non, ça, moi s'il n'y a pas de bout de ventilé dessus, là, c'est non. Oh non, ça vaut pas la peine. Mais non, une bonne petite bière, une bonne amertume, ça oui. Se prend bien. Elle a un petit arrière-goût plaisant qui s'en va rapidement. Puis qui, ouais. Qui ben, dit, c'est ça, c'est. J'en veux plus. Comme une PLL, tu sais, c'est bon le temps que tu l'as dans la gueule, puis après ça, ça part vite. C'est un peu ça, tu sais. Contrairement à une IPA où ce que normalement, t'as l'arrière-goût qui reste longtemps là. Ouais, c'est ben, ça, elle dit hey c'est moi. Non, c'est ça, celle-là là, elle est comme elle est clean, t'sais. Bon, on va voir comment l'Insoumise va nous soumettre à ses charmes pour le reste de l'épisode. Fait que Tomb Raider reboot d'une très longue série qui a commencé dans les années 90 PlayStation. En tout cas, là-dessus, là, la marine. Puis non, c'est ça. Puis c'est une série qui a été extrêmement populaire, mais qu'avec les années, ça a commencé à être de moins en moins populaire parce que les jeux étaient de plus en plus merdiques. Probablement c'est... des manques de direction, probablement un essoufflement aussi de la ouais, communauté. Ouais, ben c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu peux pas renouveler la formule tant que ça, là, surtout quand tu gardais les vieux gameplay, les derniers sur PS2, il me semble que c'était pas terrible. Dans le temps que je travaillais dans une shop à jeux, là, mais ça vendait pas que le diable parce que le monde ne trippait pas. Mais ça, c'est vraiment, ils ont décidé, ah, OK, on peut pas laisser mourir Lara Croft puis toute la série de Tomb Raider. Fait que pourquoi pas en faire un reboot un peu plus sérieux, mettons. Et modernisé. Et puis ouais. Sérieux est le bon mot. Fait qu'on parle ici d'un third-person action-adventure, si on peut appeler ça de même. Puis moi, je me suis fait un malin plaisir à comparer ce jeu-là à comme une espèce d'équation mathématique. Vas-y. Prends le action-aventure de Uncharted et puis prends tout le principe de tous les gadgets de Batman Arkham City Asylum de ce monde, mets ça ensemble, puis t'as Tomb Raider. C'est à peu près ça. C'est cool. Avec moins de cap. Ouais, Lara Croft a laissé sa cape chez eux. Puis notamment aussi, c'est une femme. Ben, c'est sûr. Puis ça, c'est une des bonnes affaires dans le jeu, c'est que, bon, tu sais, toutes les cochonneries de discussion de Gamergate, puis blablabla, puis de la place des femmes dans le jeu vidéo. Mais dans Tomb Raider, tu sais, il aurait pu hyper sexualiser Lara Croft puis la rendre genre super sexy puis super... Elle aurait pu être une protagoniste ou un personnage secondaire de film, de jeux vidéo japonais où est-ce que la taille des seins n'a d'égal que l'inverse proportionnel de quantité de linge de sur le corps. C'est ça. Mais là-dedans, dans le reboot, en tout cas, t'sais, c'est sûr qu'elle a quand même une camisole relativement moulante, mais en dehors de ça, t'sais, il réfère jamais au fait que c'est une fille en partant. T'sais, c'est un personnage parmi tant d'autres. C'est pas regardez, notre personnage principal, c'est une fille, wink wink. Ouais. Ou des affaires de même, parce que c'est genre elle se fait mal, mais t'sais, elle se déchire, puis on évoque quasiment tous les seins. T'sais, c'est comme c'est pas de même. Là. Non, puis elle est pas autant stéréotypée que les personnages secondaires de l'histoire eux-mêmes. Non, c'est ça. Puis, oui, c'est vrai que dans le temps, Lara Croft était comme un personnage un peu sexualisé des jeux vidéo pour ce que ça représentait, parce que c'était une des premières comme icônes féminines dans le domaine. Et quand tu dis cône, c'est parce que ses seins étaient en forme de cône aussi. C'était pas exactement là que je m'en allais, mais sure. OK. T'sais, les polygones dans le temps, on pouvait juste faire ce qu'on pouvait. C'est cela. Mais c'est ça. Fait que moi, j'étais bien content de voir en jouant que c'est pas ça. Ils veulent vraiment pas faire genre, hey, regardez, nous autres, on est cool, on est edgy, on a un personnage féminin. Puis, non, mais la réponse est forte. C'est ça. Non, puis on découvre sa force à elle, puis sa résilience à travers l'émission, puis le restant du jeu, passant à côté de toutes les jokes cheap qui auraient pu être faites. Non, exactement. Ça aurait été facile justement de tomber là-dedans, mais ils ont vraiment juste décidé de faire un personnage qui est relativement badass, puis qui s'assume. Là, puis ça, c'est cool. Qui s'assume, mais qui a quand même certaines lacunes au niveau du fait que c'est une jeune fille. Écoute, elle a début vingtaine à peine. L'histoire, grosso modo, est sur un bateau avec d'autres personnes, des scientifiques. Ben, ils s'en vont. Faut dire que c'est les origines d'eux. Là. C'est vrai. Ça se passe avant la Lara Croft qu'on connaît par les premiers jeux. Puis mettons Angelina Jolie. Comment est-ce qu'elle a fait pour devenir qui c'est qu'elle est? C'est sûr qu'elle est beaucoup plus jeune, mais c'est probablement difficile à aborder comme sujet parce que je trouve pas les mots. Non, ce que je veux dire là-dedans, c'est que elle est frêle, elle est fragile au début, sauf que tout de suite après, elle commence à tuer bien du monde. Il n'y a aucun questionnement sur les raisons pour lesquelles elle est poussée à tuer du monde aussi rapidement, facilement et sans cesse que ça. C'est sûr que oui, au début, on va avoir des moments où est-ce que les animations vont nous la montrer comme hésitante, puis elle a peur quand elle traverse une petite rivière sur un bio de bois ou des affaires même. Les premiers kills, mettons, en cinématique, t'sais, on la voit comme quelqu'un qui est complètement déstabilisé, qui sait pas trop ce qu'il fait, qui va un peu botcher, mais par la suite, ça devient une mécanique de tu tires, tu tues. Ouais, ben ça, c'est un peu le problème avec n'importe quel jeu, c'est que tu peux pas faire... Comment je pourrais dire? Tu peux pas nuire au gameplay en fonction de la narrative que tu veux faire. Non, c'est vrai. À cause de ça, tu vas faire que les premiers kills sont comme durs, sont pour le personnage, sont plus compliqués, mais éventuellement, si tu veux faire un jeu d'action, t'as comme pas le choix de dire, bon, mais qui regarde aventuré, est-ce que est habitué. Mais par exemple, les premiers kills sont vraiment bien faits. La première fois que tu tues un chevreuil, puis qu'il est vraiment genre, tu sais, je m'excuse, genre, c'est vraiment parce que j'ai pas le choix, puis... Ça, c'est des trucs de même qu'au moins tu t'as. Mais elle dit pas ça à un humain qu'elle tue, par exemple. Non, mais elle capote un peu, je pense. Le premier kill qu'elle fait, elle se met à genoux, puis elle braille, puis elle gomme pas dedans. C'est ça. Mais c'est les seuls moments où on voit voit la vraie émotion du personnage. Non, c'est ça. Puis ça, en tout cas, on y reviendra, mais je trouve que c'était une des forces, le voice acting, puis tout. Honnêtement, je suis surpris de voir qu'ils ont réussi à y faire pareil des émotions de même. Moi, je m'attendais pas à ça. D'habitude, les jeux AAA, les personnages principaux sont comme moins... Ben, c'est important, c'est quand même une icône. Non, mais tuer du monde, c'est pas ça le but du jeu. Tomb Raider, ça le dit, c'est que t'es vraiment un aventurier, t'es un explorateur, t'es quelqu'un qui arrive dans des endroits totalement isolés du reste du monde entier, là où certaines anciennes civilisations pouvaient avoir proliféré dans le passé. Wow, ouais. Et toi, t'es juste curieux d'en apprendre plus sur ces anciens peuples-là. Non, d'où toute la mécanique d'exploration, de grimper à la Assassin's Creed et à la... Uncharted pis, et tout ça. Ben c'est ça, tu sais, parce que je pense que je t'ai jamais laissé finir ton histoire du début, mais tout ça pour dire que ouais. Dans le fond, t'es sur un bateau, le bateau il y a un accident, voilà. Tu te ramasses sur une île, tu sais pas trop où est-ce que ton équipe allait puis qu'est-ce qui se passe, mais tu sais, faut que t'essaies de t'en sortir puis de retrouver genre ton monde puis tu sais savoir qu'est-ce qui se passe avec ce style-là qui a de l'air un peu louche puis. Ouais. Il y a du monde pas clair qui se promène dessus. Ce qu'on apprend assez vite, c'est que ces gens pas clairs-là ont kidnappé certains de nos comparses pour les utiliser à des fins de sacrifice humain. Entre autres. Ce qui nous amène à devoir infiltrer des bases où est-ce qu'il y a horde par-dessus horde de gens armés, tous plus cinglés les uns que les autres. Quand même. Ce qui nous amène à parler des armes de l'arsenal, c'est-à-dire on va parler de l'arsenal de Lara Croft du début, elle a son bon vieux pistolet, celle qu'on la reconnaît avoir. L'arc est nouveau dans son arsenal. Ouais, parce que là, c'est ça, dans le fond, c'est vraiment la survie. Fait que, tu sais, la chasse vient jouer un rôle là-dedans qui est un peu plus important. Mais pas comme un Far Cry où est-ce que ça tant de peau de lémur ou de lama pour te faire une bobette là, anti-eau, quelque chose comme ça. Non, t'sais. C'est ça, mais tu peux quand même t'en servir pour. L'arc, je sais plus c'est quoi l'upgrade, mais tu peux comme mettre une corde après une de tes flèches, tu vas attirer, tu peux comme tirer des affaires. Mais ton arme la plus importante, en fait, ça va être ta torche. Ouais. Après ça, tu vas trouver un lighter. Ouais. Après ça, tu vas trouver... Le pic. Fait que le pic te permet de pouvoir briser des caissons qui vont te permettre de ramasser du salvage. Ouais, qui est pas mal, dans le fond, l'unité pour crafter des affaires. Ouais, ouais. C'est même pas une ressource, là, c'est juste un chiffre. Non, c'est du salvage. Là, c'est ça. Ton même pic va te servir à pouvoir grimper des parois rocheuses qui sont identifiables par un certain feature qu'on y reviendra. Et puis, ton fameux briquet va pouvoir te permettre d'allumer la torche que tu tiens sur toi tout le temps. Jusqu'à ce que tu l'ailles, en fait, va falloir que tu trouves une source de feu pour allumer ta torche, pour te permettre de voir dans le noir naturellement. Puis après, une fois que tu l'as, ton lighter, bien, c'est là qu'on voit Lara utiliser. Puis ça, c'est ce que j'ai trouvé assez intéressant. Lara va prendre les choses qu'elle possède dans son arsenal et les amalgamer ensemble. Ouais. D'où là, elle va avoir son arc, puis elle va poser son briquet juste où est-ce qu'elle met sa main pour la tenir. Et puis, c'est ça. À son vouloir, on peut allumer le bout d'une flèche en feu puis pitcher une flèche de feu. Ouais. Fait que non, ça, c'est des petits upgrades dans le que tu peux faire sur les armes normales, genre ton petit handgun, ben, tu vas pouvoir mettre un silencieux puis tu vas faire la même, un pointeur laser. Mais toutes des choses qui ne peuvent se faire qu'à des camps. Ouais, c'est ça, parce que dans le fond, la façon que ça marche, c'est tous les checkpoints, les save points, tout ça, tous tes upgrades, ça se fait à des camps, fait que tu vas te promener, tu vas trouver une espèce de feu de camp à terre, tu t'assois, puis c'est là que tu vas pouvoir entrer dans ces menus-là. Donc, t'as aussi les points de skills que tu peux, que tu peux mettre là pour... C'est ça, si t'as augmenté de niveau, c'est juste là que tu peux les investir dans ta personne. Exactement. Sinon, plus vite, courir plus vite, les affaires de même. Sinon, en dehors de ça, t'as pas vraiment ces menus-là, t'as pas accès, là. C'est vraiment juste à des points précis que tu peux le faire. Et puis, très souvent, il y a rien dans l'écran. Non, c'est ça. Le UI est vraiment minimaliste. T'as ton crosshair quand tu vises, puis c'est à peu près tout. Il n'y a pas grand-chose dans l'écran. Le nombre de restants va apparaître quand tu sors ton gun. Non, les trucs apparaissent juste quand c'est des circonstances, quand t'en as besoin. T'sais, si tu sors ton gun, oui, tu vas voir le nombre de balles qui te restent, puis des trucs de même. Mais sinon, tu le vois pas, puis c'est correct de même. Puis c'est ce qui nous ramène à parler du mot survie, parce que quand t'es totalement immersé là-dedans, mettons qu'on parle de Dead Space parce qu'il n'y a rien dans le UI non plus. Moi, je commençais à y croire de plus en plus en seulement quelques minutes de gameplay. T'es vraiment à sa place à elle. C'est elle qui parle pour toi, naturellement. Quand t'as une voix de gars, c'est pareil. Mais non, c'est ça. Tout ça a servi à amplifier le fait que t'es pogné, faut que tu travailles fort. Puis des fois, les tableaux, les niveaux, même les puzzles sont pas trop évidents. Ça prend un peu de jugeot. Oh, vraiment. Mais pas comme Portal. Non, mais il y a des places où j'ai vraiment dû comme prendre 2-3 minutes, là, m'arrêter, faire comme « OK, comment je fais ça? Je suis pas trop sûr. » Tu sais. T'avais des trucs à un moment donné où ce que t'arrives, puis t'as genre une espèce de grosse boule qui te sert à faire décrocher une cloche dans une vieille... Un monastère, genre. Puis, tu sais, il faut vraiment que tu ouvres des panneaux qui vont faire passer du vent pour pouvoir péter des piliers. Puis qu'après ça, tu puisses, quand tous les piliers sont pétés, que tu puisses péter à la cloche. Puis, ouais, c'est ça. Il y a des questions de timing aussi dans ces, dans ces puzzles-là. Oh, puis on utilise beaucoup les éléments naturels, donc l'eau, l'air, le feu, même aussi des fuites de gaz dans certains cas. Ouais. Ça m'amène à parler de quelque chose que j'ai encore d'oublier. Ben, écoute, le problème, c'est ce qu'elle est ma feuille. C'est ce qu'elle est ta feuille. C'est ce qu'elle est ma feuille. Mais tout ça pour dire. Non, sérieusement, il y a des. Moi, j'ai été impressionné par le côté, justement, le côté de la narrative, des environnements, de tout. Ça te donne le goût d'être là. Tu as vraiment l'impression de vivre ce qu'elle a vécu. Les moments, genre, de stress, c'est vraiment super bien fait au niveau des. Ouais. Tu sais, je veux dire au niveau cinématique, mais je parle pas du fait. C'est vraiment une cinématique purement dit, là, mais tu sais, le ben, mettons qu'on parle la cinématographie de la scène. Effectivement, si tu veux, c'est ça. Il y a des moments dans une mission ou dans plusieurs missions où on va être un peu pris sur un rail. Exemple, on va dévaler une rivière, là, un peu comme dans des rapides, puis ça va prendre des réflexes pour tirer les branches au bon moment pour les enlever de notre chemin. Non, même ça. Chose si on est en train de glisser sur un pont qui vient soudainement de se détacher à l'autre bout. Est-ce qu'il faut tirer sur un ennemi qui va nous sauter dessus? Est-ce qu'il faut accrocher ou s'agripper à quelque part? T'sais? Ouais, il faut toujours être sur le guet pour être sûr que. C'est ça. Fait que ces mécaniques-là servent à rajouter au stress. Ouais, oh, vraiment. Puis non, j'étais vraiment surpris. Puis comme je disais, les environnements aussi sont vraiment beaux pour un vieux jeu. On s'entend. J'ai été surpris. C'est... À noter ici que Gaétan a fait aller ses deux doigts en guise de guillemets. Là. Ouais, non, c'est ça. T'sais, parce que malheureusement, ils n'ont pas encore inventé les guillemets de la radio. Là, non, c'est ça. Ben, on peut faire comme... tu sais, pour un vieux... jeu. Ouais, c'est ça, mais ça a l'air que c'est comme ça, le monde comprendrait pas. Puis ouais. En tout cas, essayer de faire passer ça au bord de la radio, mais ils veulent pas. Eux autres. Tout ça. Ça pour dire que j'ai enfin remémoré ce que je voulais dire. Ouais, c'est bon, ça. Quand tu dis... pas des pertes de mémoire constantes. Ben, elles sont pas constantes, mais elles sont longues. Non, c'est fait que ça pour dire que, tu sais, quand tu disais que les environnements ils étaient pas tout le temps évidents, ça prenait 2-3 minutes des fois pour retrouver notre chemin, ben c'est ça. C'est encore un jeu qui souffre. J'ose le dire, malheureusement, d'un syndrome moderne dans le jeu vidéo où est-ce que tous les protagonistes des jeux vidéo actuels ont tout le temps un genre de Spidey Sense, une deuxième manière de voir l'environnement. Ah, ouais, ouais. Le fameux Eagle Vision dans Assassin's Creed, le Detective Mode dans la série de Batman, la caméra à la limite dans Far Cry, c'est pour nous permettre d'identifier. Ouais. C'est la même chose avec Tomb Raider, donc on va... appuyer sur notre instinct de survie, appuyer sur le bouton d'instinct de survie, dis-je. Ouais. Et puis, ça va mettre tout en noir et blanc, sauf pour les objets qui vont nous intéresser, qui vont être highlightés. Ouais. Toutes les crates pour le salvage, tous les items qui sont interactifs. Donc, justement, les trucs qu'on peut tirer, les ce trucs qu'on peut ce qui ne donne pousser. Pas nécessairement la réponse au puzzle. Ah non, pas nécessairement. Ça veut juste te dire qu'est-ce que tu peux utiliser. Ça t'identifie les pièces du puzzle, mais c'est à toi de les amalgamer. C'est quand même plus intéressant que d'autres jeux où est-ce qu'on fait juste te dire « Ah, c'était là ». Tu sais, c'est un peu comme si je te prendrais là, un puzzle de 250 pièces que je prenais à la boîte, je te sac ça devant toi là, avec toutes les pièces sur la table. Puis c'est comme « Ouais, assembler, est-ce que... » Ben, moi, ce que je ferais, c'est que j'utiliserais mon puzzle vision, puis je revirais chaque pièce de puzzle à l'envers, puis je verrais qu'il y a un petit chiffre. Puis ils sont tous séquentiels dans le sens. Non, c'est ça, exactement. Tu vois. Hein, tu me voyais pas venir là. Hein? Mon tabarnak, je le savais. C'est pour ça que je finissais tout le temps en premier dans les compétitions de puzzle au primaire. Oh mon Dieu. Ces compétitions-là, je les apprenais par cœur. Ouais. Hey, c'est le moment de la gorgée du milieu. Eh ben oui, toi. Parce que le temps passe vite quand on est en si bonne compagnie et qu'on parle de très bonnes choses, dont cette bière, l'insoumise par Archibald. Ouais. Est-ce qu'on avait dit que c'était une 5,2%? On n'en avait pas parlé, mais c'est pas mal commun. Là, c'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire ben. Non, ben pour une pale ale, c'est ça. C'est une pale ale que je trouve qui a... Ben, c'est sûr que elle a moins de personnalité qu'une IPA en tant que telle. Ben, en partant, mais ça, ouais, c'est ça. T'sais, mais non, je la trouve correcte. Je suis pas charmé, mais c'est une bonne bière, tu sais. Je préfère ce genre de bière-là aux bières plus claires, plus légères, plus... Oui, totalement. Plus de type, comment dire, pilsner. Oh, si y a ça ou de la pils dans un bar... Je vais toujours prendre la PLL avant n'importe quoi. Là. Effectivement. Moi, j'aime une bière qui me parle. Celle-là, me parle pas pire. Ouais, plus c'est ça. Que, je sais pas, mettons la Labatt Bleue ou la Molson Canadian. C'est ce genre maudite de... Molson Canadian. Ah, ramène-nous la Laurentide, calice. Sérieusement. Mais non, ça, mais comme je dis, elle est pas mauvaise. C'est juste que Ouais, c'est ça. C'est le goût, tu sais, c'est one shot, ça passe, puis ça reste pas longtemps. C'est clean, c'est... Ça se boit bien, tu sais, c'est une bonne bière. En fait, je trouve que c'est quasiment une bière d'été de terrasse, tu sais. Pratiquement oui, parce que c'est ça, elle a quand même le petit punch initial, mais vu que ça se dissipe vite, ouais. On n'est pas pris à se dire ça va me prendre un verre d'eau, ça sèche pas, non, rien. Non, c'est ça, c'est ça. J'oserais dire que le mélange d'épices est un peu présent. Je m'en allais dire soit muscade ou clou de girofle, je sais pas si c'est ça. Eh ben, t'as prendre une gorgée. Là, mais... Ah ouais, ouais, mais faut que t'as sente aussi, tu sais, comme... De même, ça marche-tu? Pas pendant que je fais une gorgée calique. C'est quoi, t'as entendu par le nez? À peu près, tu sais. Ouais, mais non, je pourrais pas te dire quelle épice exactement, là, mais tu sais, ça nous aiderait s'il y avait de quoi d'écrire ça à la canette, mais autre, le nom de la bière, puis du sucre qu'elle vient, puis le 20 cents de consigne, pas grand-chose. On n'a pas fait notre recherche sur les internets, comme vous pouvez en constater par mes manques de... Tes trous de mémoire. Ça va bien. C'est pas juste une question de scaler la feuille, là. Ah non, c'est une question de... T'es sûr que tu fais pas un stroke, quelque chose? Tu j'appelle l'ambulance, ça va-tu? Écoute, si je fais un stroke au ralenti de même, là, Inception, mon stroke. C'est genre un infarctus qui dure 40 minutes, là, tu sais, c'est... quand même. Si je survis la fin de cette émission, nous reviendrons en 2015. C'est bon, ça? Genre. Fait que qu'est-ce qui se passe avec Lara Croft? Ben là, c'est ça. Elle va se promener dans plusieurs endroits, plusieurs environnements différents qui ne vont pas s'en rappeler les fameux, mettons les termes génériques, là, le Ice Stage ou le Fire Stage, le Water Stage, le Forest Stage. L'île au complet, en fait, on pourrait dire que c'est un peu un open world. Ouais, ben c'est ça. C'est un monde qui est super linéaire, mais ça arrête jamais, tu sais. C'est super constant, puis il n'y a pas de, vraiment de briseur, il n'y a pas de niveau, rien, c'est vraiment c'est le même monde tout le long du jeu. C'est différentes zones d'un même monde, ouais. un peu comme une map de Borderlands, où est-ce que quand on roule la world map, on les voit tous une à côté de l'autre, ces différentes zones, là ces maps-là. Puis en fait, tu vois, ça me fait penser, je pense qu'il n'y a juste pas de loading. Je pense que les loadings se font pendant les cinématiques parce que, il me semble que, à part, mettons, quand tu meurs, là, on s'en va. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Mais il n'y a pas vraiment de loading pour séparer, justement, tes missions, tes zones, puis tout ça. Fait que ça, donc, c'est bien, ça l'aide à l'immersion. C'est assez dynamique, en effet. Il y a moyen de changer de zone, de revenir à des anciens campements. Oh, c'est-à-dire quand oui. On trouve. Parce qu'il y a deux types de campements. Il y a des campements qui nous permettent de voyager entre ces campements-là, puis il y a les autres qui nous permettent simplement de sauvegarder, de faire nos upgrades, et ainsi de suite. Mais moi, ce que je reproche un peu à. Chacune des zones, c'est qu'on sent qu'ils ont été construites ou conçues à peu près de la même manière. Chaque zone va avoir son amalgame de petits secrets. Tu sais, ramasse-moi 8 champignons, ramasse-moi, tu sais, trouve-moi les 7 posters de cette affaire-là, les 4 clés USB perdues dans la brousse. Là, que, tu sais, toujours plus bonne clés chance USB. De trouver ça dans le sable. Tu sais. Non, c'est ça. Mais chacune des zones est faite pour que, bon, à la fin d'une mission, on arrive dans une nouvelle zone parce que un pont a crashé ou quelque chose, un hélicoptère a tombé ou quelque chose comme ça, tu sais. On sent toujours que après le campement, il y a une belle zone ouverte, assez vaste. On tue tous les ennemis, puis c'est après ça que la chasse aux œufs de Pâques commence. On se promène de haut en bas, de gauche à droite, sans jamais sortir de ce rond-là pour essayer d'y trouver les maudits 8 champignons puis les autres affaires. J'ai l'impression que pas qu'ils se sont pas donnés à peine, mais c'est comme plate. C'est comme, avant d'aller faire la mission, là, si t'as envie d'upgrader ton bonhomme, ben passe 20 minutes, t'sais, à tout chercher les affaires. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça que j'ai senti. C'est un peu comme des hubs, tu sais, entre les missions. Ouais. Mais, j'avoue, ça fait un semi-open world dans une petite zone, fait que c'est... Des fois, tu te sens un peu restreint. Mais en même temps, ça te permet justement de découvrir d'autres choses puis de fouiller pour trouver des tombes, justement, puis des trucs de même. C'est ce qui mène à ça, effectivement. Mais c'est-à-dire, si tu veux upgrader ton bonhomme, il se fait pas de façon linéaire. Il se fait... c'est la place où tu peux tout le faire one-shot, puis pour le reste de toute la zone, si on veut, t'en auras comme vraiment pu à trouver. Là, ou peut-être le dernier qui est bien caché, mais ça, c'est comme quasiment pour nous troller, je trouve. Mais je parlais de tombe, tu sais, c'est une partie... importante. C'est que ça fait pas partie du gameplay principal, mais c'est là puis tu peux le faire. Puis généralement, ce que c'est que justement, tu vas te promener dans une zone qui est un peu plus ouverte. Puis là, c'est comme, c'est quoi cette crevasse-là dans Rock? Ouais. T'sais? tu y vas, puis finalement, c'est comme, ah, c'est une tombe, là, tu peux la découvrir. Normalement, c'est assez linéaire, t'as un ou deux puzzles pour la finir, puis tu sais, au bout, t'as un coffre avec genre des points de skills, puis des trucs dans le même que tu peux rajouter. Puis plus de salvage au besoin. Ouais, exactement. C'est cool. Moi, je trouve ça le fun de les faire, ne serait-ce que pour voir les environnements, parce que t'en as qui sont quand même assez impressionnants. Absolument, oui. Mais en dehors de ça, c'est comme, tu sais, il n'y a pas tant de raison de le faire autre que si tu veux vraiment compléter le jeu à fond. Ben, c'est ça, c'est pas le core gameplay, c'est ces tombes-là qui donnent en fait le nom de Tomb Raider, parce qu'autrement, pendant qu'on fait ces tombes-là, faut pas oublier que nos amis sont encore kidnappés, sont encore en train de se faire torturer par les cinglés de l'île, puis nous autres, on est là en train d'être full impressionnés, eux, par je sais pas moi, un peigne en ivoire qu'on a ramassé de la 6e dynastie chinoise, je me souviens plus quel empereur. Là, non, c'est ça pareil. Sauf que ce qui est le fun, c'est que ça brise justement le flow de zone avec des ennemis, tire, pow, t'arrives une tombe, là c'est beaucoup plus sobre, on essaie vraiment là, de prendre le joueur puis d'y faire analyser la zone, puis trouver ça. Puis quand tu sors de là, ben... Crème, tant mieux pour toi, t'es plus fort que ce que t'étais. Non, c'est ça. T'as peut-être appris un truc de plus. C'est généralement pas super long. D'habitude, ça se fait en genre 5-10 minutes, dépendant de la tombe, c'est fini, tu sors de là, c'est fait. C'est ça. J'aurais peut-être pris des challenges un peu plus longs, peut-être des séquences de parcours plus élaborées, plus compliquées, avec peut-être plus de roches qui tombent, des affaires de même. Plus spectaculaire, parce que c'est pas si spectaculaire que ça, ces tombes-là. Non, c'est ça, ça dépend vraiment. Il y en a qui sont vraiment cool, dans d'autres moins. T'sais. Mais le fait que ça soit. Tu sais, des petits, c'est quasiment des easter eggs, tu sais, vu que le jeu est tellement linéaire, tu sais, c'est comme, ah, c'est quoi ça, tu y vas, c'est comme, ah, tiens, il y a ça, tu sais. Ben ouais. Mais, tu sais, je verrais ça quasiment plus dans un monde plus ouvert, tu sais, un peu à la Skyrim, parce que, tu sais, tu découvres des cavernes dans un monde, tu sais, qui est extrêmement gros, tu sais, ça fait que c'est le fun, tu sais, il y a un sentiment beaucoup plus de découverte que quand tu le fais dans un monde linéaire. Absolument. Ça, ouais. Sauf que les environnements, ils sont sublimes. Dans Tomb Raider, ils ont travaillé là-dessus vraiment bien. Là. Chaque zone, quand on est capable d'avoir une bonne vue en hauteur, une vue d'ensemble sur la zone, j'étais rendu à une place sur une plage où il y avait des navires de guerre échoués. Avec le soleil plus ou moins couchant au large, il y a quelque chose de beau qui rajoute à l'immersion. Moi, j'ai eu des petits moments où est-ce que je déposais la manette, je regardais ça, je prenais une gorgée de bière et j'étais comme « Ah ouais, ok. Merci de m'avoir fait voir ça parce que c'est beau. » Faut pas oublier qu'on est là-dedans pour survivre aussi. Fait qu'on reprend la manette et on a envie de continuer à jouer. Tu sais, l'affaire aussi, c'est que oui, c'est beau visuellement, mais c'est pas juste une question de graphique super HD. Là. C'est vraiment surtout une question de composition de l'image, puis comment que les choses sont placées, puis l'éclairage surtout qui fait en sorte que c'est vraiment beau. Ça, c'est pas juste, tu regardes la feuille là à terre, là, vraiment des super beaux graphiques. Genre super pixelisé, top-notch, puis tu sais, là-dedans, c'est vraiment comme, c'est la composition des scènes qui sont vraiment, vraiment super bien faites, puis des beaux petits environnements. Les scènes, parlons-en un petit peu, parce que il y a une histoire quand même. Ben, il faut. Fait que c'est ça, on vient qu'à délivrer nos amis pris otages et ou prisonniers et ou perdus dans l'île, tu sais. Puis, c'est un peu mince hein, comme histoire. C'est un peu plate. Puis, tu sais, le méchant, le gars qui va double-crosser, le token, la personne qui meurt tout de suite, tes voix venir. C'est pas de la grosse histoire. Storytelling. Non, on s'entend. Là, c'est super cliché comme histoire, mais ça passe pareil. Tu sais, c'est pas genre, oh my god, ça me fait chier que cette histoire-là soit aussi mauvaise. Là. Tu sais, tu pardonnes parce que le gameplay est vraiment bon. Je pense que oui, c'est une question de balance à ce moment-là. Non, c'est ça. Dans le fond, ces cinématiques-là, cette histoire-là, c'est juste les filons conducteurs de mission en mission. Ouais, exactement. T'sais, dans le fond, tu veux juste plus explorer puis plus tirer dans la tête du monde. Ouais. C'est aussi simple. Mais parlons-en du combat parce que ce qui est intéressant avec ça, c'est que les différentes armes nous amènent à utiliser le layout de la mission puis de l'environnement de différentes manières. Ouais. Et tu pousses un arc, et tu pousses un pistolet, un 12, un AK-47, tu sais. Et même plus tard, un lance-grenade. Ouais. Parce que c'est tous des upgrades qu'on trouve en ramassant ce qu'on trouve au sol, tu sais. Puis on amalgame nos armes, comme on disait au début. Moi, je pense que j'aimais beaucoup plus l'arme que n'importe quelle autre arme. Tu veux dire l'arc? Oui, l'arme. Parce que moi, je suis pas capable de dire la lettre C. Non, c'est ça. Hein? Non, imagine si c'était un K, mettons, ça sonnerait pareil. Arc? Ah, ben, que donc ça, toi, ah, ben, Check Gar. J'arrêtais pas de dire Garmon au lieu de Garcon. Tu sais, Gar. Ah, les gars. Hey boy. Non, fait que c'est ça. Le combat, il est bon, il est fluide, ça marche bien. Il y a pas de technique, c'est-à-dire il y a pas de feature de tu pèses sur un piton pour te mettre en cover. Le cover, ça fait plus ou moins automatiquement si t'es proche d'un ledge ou d'un mur ou quelque chose comme ça. Mais on va vraiment forcer Lara Croft à bouger dans l'environnement parce que les ennemis sont assez insistants. Ils savent où on est. Oh oui, ils vont vraiment appliquer de la pression. Vraiment, l'AI dans le jeu est vraiment bien là-dessus. T'sais, ils vont vraiment aller se placer de façon à ce que tu bouges et que tu restes pas tout le temps au même coin. Il y a bien des shooters à Star que tu te mets en arrière d'un cover, t'attends, puis t'attends juste que les ennemis sortent dans l'arrière de leur cover, t'es tiré, ça finit là. Mm-hmm. Mais là-dedans, il faut vraiment plus que tu bouges. Là, on campe. Puis si, c'est-à-dire, faut pas camper. Parce que si on campe, eux, ils ont des bonnes tactiques pour nous faire sortir de là. Exactement. Nous flusher, comme qu'ils disent. Exactement. Mais non, moi, je suis d'accord avec toi. J'ai vraiment plus utilisé l'arc que n'importe quelle autre arme dans le jeu. C'est silencieux. C'est silencieux. Pas d'alarme. Exactement. C'est assez discret. Ça passe bien. Puis je sais pas, je trouvais que les kills étaient pas mal plus satisfaisants avec l'arc qu'avec les guns. Il y a un bon audio design sur les kills avec l'arc. Quand même. Ça, comme tu dis, satisfaisant est le mot. Non, c'est ça. Puis tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui généralement aimait utiliser les arcs dans les jeux. Mais je trouvais que justement dans Tomb Raider, ça s'appliquait bien. C'était comme une bonne affaire à utiliser. Surtout que justement, le gameplay nous force, mais nous pousse à l'utiliser beaucoup parce que bon, les flèches de feu, puis la flèche à corde aussi, c'est ce qui va nous permettre la flèche à corde qui te fait des trucs pas un rappel, mais c'est que tu... Ben, pour faire de libertisme, genre. Genre, tu sais, de l'arbre en arbre, là, mais c'est pas la même affaire qu'à Rigaud, là. Ça, c'est pas pareil. Là. Je suis jamais revenu de là, moi. T'as essayé d'en revenir une fois, pis ça. Yes, t'as boire. Écoute. Mais non, c'est ça, tu sais, tu veux traverser la rivière ou le canyon, ben, let's go, là. T'as de la corde de l'autre bord, tu pèses ta flèche avec la corde, ça pogne dans la corde, pis. Ouais, là, ton pont de corde. C'est ça. Toujours plus de corde. Plus que non, maudit de la corde, par exemple. Tu sais, quand tu penses à ça. En fait, il y a un nombre maximal de flèches à corde qu'on peut avoir de déployer en même temps. Ouais, c'est ça. On peut pas en avoir un nombre illimité. Non, quand même. Sauf que l'affaire, c'est que ça compte pas quand t'en laisses une, genre 3 km en arrière de toi. T'sais. Eux autres, ils pensent qu'elle est plus là, tu sais. Ah, c'est ça. Sauf que. Ah, ben c'est peut-être les cinglés de l'île qui reviennent en arrière. Comme, hey, les gars, tu sais que tu trouves de la corde. La corde. Fait que. Quoi d'autre sinon de dire que j'ai accroché mon micro puis que ça a dû faire un autre pop? C'est un détail, ça. Ça paraîtra pas. Ouais, ben moi, en tout cas, j'ai une crotte sur le cœur. Ben vas-y. Parce que moi, j'aimais bien ce jeu-là puis je progressais pas pire. Puis là, quand j'ai eu le désir de recommencer, je me suis ramassé avec une copie en français. Déjà là. Fouille-moi pourquoi. Puis comme je l'ai déjà tweeté sur le compte de la barrique numérique, quand tu joues à un jeu en français, t'as l'impression que le bonhomme s'appelle Ross, alors qu'en anglais, il s'appelle Roth. Roth, ouais. C'est un peu dommage. Ross. On n'a pas encore appris en 2014 comment traduire TH en français. Non. Ça serait important. Mais quand même, tu sais, c'est un petit détail, mais qui serait le fun. Ça se traduit, là, mais ça... Ouais, quand même. Ah ouais. On est capable. Mais toujours est-il que j'étais rendu à un certain point dans le jeu où je venais juste de déverrouiller. Hein, maudit office. De déverrouiller un nouveau gadget qui me permettait de pouvoir tirer sur des portes qui me seraient jusqu'alors impossible d'ouvrir. Ouais. Fait que c'est un espèce de poulie, là. Tu tires ta flèche à corde, tu tires sa poulie, la patente pète. C'est non seulement pour des portes que tu pourrais débarrer ou détruire, mais c'est aussi pour des objets amovibles dans le layout de la mission. Ouais. T'es pas capable de monter en quelque part parce que le mur est trop haut. Ben, lance ta flèche à corde, tire avec la poulie sur l'objet qui est sur le bras de la grue en tant que tel, et l'objet viendra à bon port se placer où t'as besoin pour pouvoir procéder. En théorie. En théorie, le bug que moi j'ai eu, c'est que je tire ma flèche à corde, je commence à tirer comme une folle. Le bras de la grue bouge, l'objet reste sur place. C'est un détail, tu sais. Il n'y avait plus rien à faire. J'ai reloadé Last Checkpoint, je ne sais pas combien de fois, fermé la console, rouvert la console. Moi, je blâme la copie francophone. Évidemment. Ben, excuse-moi, française. On va blâmer les Français pour ça. Française. Mais je suis convaincu qu'une patch quelconque ou un update quelconque du jeu m'aurait permis de faire ça. C'est sûr que... Vous savez, nous, dans notre patelin, l'Internet vient pas tout le temps comme faut. Non, c'est ça. Tu sais, faut que t'appelles de l'avance pour qu'il te connecte l'Internet pour une période de temps. Puis, c'est compliqué, là. Hey, man, juste pour mettre notre émission de radio sur les Internets, là, faut que je prenne l'autobus 6 heures de temps pour aller en quelque part où que l'Internet pogne à une barre sur ton téléphone. Carrosse. Puis encore là, c'est une barre, c'est limite, là. C'est ça, des là. Fois, ça pogne pas, là. Nous autres, là, notre région, là, c'est moins 16 barres. Une heure par barre. Ça s'appelle une idée, ouais, c'est genre. Une heure par barre. Ouais. Ceux qui sont dans moins 10, là, eux autres, là, ils trouvent la vie longue en estique. Ouais, puis ils se demandent pourquoi il y a des pipelines qui passent par chez eux aussi. On se passe trop clair. Mais non, c'est ça. Tout ça pour dire que c'est le seul bug de grande envergure que j'ai trouvé ou tombé dessus dans ce jeu-là. Ouais, sinon, en général, c'est stable, ça marche bien, il n'y a pas de gros bugs. Pour le reste, tout semble beau et bon. Moi, sur PC, j'ai pas eu de problème majeur. Là. Je te dirais, ma game assez bien. Bon, c'est ça. Tu vas blâmer que c'était un jeu français sur ma Xbox 360. C'est ouais, ça, c'est là? Cette idée de jouer last gen. Pff. Ben oui, mais c'est parce que, tu sais, on a eu un été pas comme faux. Bon, on n'a pas été capable de vendre tout notre maïs parce qu'il y avait pas ça au feu. Non, c'est ça. Puis c'est pas avec ce podcast-là qu'on va faire de l'argent. Donc. Cela dit, nous prenons les dons et les subventions de chers auditeurs comme vous. Oui, c'est ça. Nanti. On pensait faire un téléthon, là, genre les frères cassettes Aid, quelque chose du genre. On ferait venir, mettons, les Baby Spice, là, toutes les bandes sont encore bien populaires dans notre région. Non, là. C'est ça, je pensais peut-être inviter Denis Martel aussi pour chanter Cœur prisonnier, tu sais, en loop, là, ce serait pas si pire. Ce serait pas si pire que ça. C'est pas mal, tous les artistes de Dollar à Clip, là, on les inviterait. T'sais. Ouais. Puis le clou du spectacle serait Madness Rain. Ah, bah oui. Parce ben que, oui. On est quand même assez métalleux dans notre temps libre. Ouais, Madness Rain, ça serait pas pire, tu sais. Ouais. Je pense qu'on va faire ça. Ça nous prend quand même de quoi financer. C'était Christo, là. Écoutez, hein, ça vient tout de nos poches. Hey, écoute, gars, j'ai rien dans mes poches, astic. Ben, l'a tout mis sur la table là, pour qu'on puisse se payer ce seul micro-là qu'on partage. C'est ça, celui-là. Fait que, ben écoute, l'émission tire à sa fin. Je pense que les quelques moments d'hésitation montrent qu'on a pas mal fait le tour du pot. Ah, quand même. Mais toujours est-il que, tu sais, Tomb Raider, c'est un bon jeu, là. C'est pas ça qu'on veut dire. C'est pas parce qu'on en a pas parlé plus ou avec autant d'enthousiasme que les autres jeux, c'est pas bon. Moi, j'ai bien aimé ça. Non, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai bien trippé. J'ai juste pas fini le jeu parce que, ben, du temps, ça en prend. Puis c'est ce que j'ai pas en ce moment. Moi, j'ai pas pu finir le jeu. Ouais, parce que fallait que tu le retournes. Mais. Non, c'est pas, j'avais un walkthrough break. Ah oui, c'est vrai, ça aussi. Tu m'écoutais pas quand je parle. Ah oui, je t'écoute, là, mais tu sais, des fois. Laisse faire la chèvre. Mais la chèvre est tellement cute, maudite chèvre. Non, Max, va chasser la chèvre. Va chasser la chèvre. Mais non, c'est un maudit bon jeu. Moi, j'ai bien aimé ça. Puis c'est sûr que je vais le continuer quand je vais avoir le temps. Tu sais, je pense que c'est un jeu aussi qui est pas super long. Ça va être le genre de truc qui se finit dans 10 heures facile. Là, fait que... Je te dirais que j'ai passé peut-être plus que 10 heures à date. C'est sûr que si tu cherches. Comme, oui, effectivement. Si on se concentre juste sur la quête principale, moi je dirais un bon 10-12. Là. Fait que tu sais, je vais avoir le temps de le finir éventuellement. Mais non, bon jeu, ça vaut la peine de le pogner. Surtout que vu que ça fait un bout de temps qu'il est sorti, il est vraiment pas cher à cette heure. Fait qu'il y a moyen de le trouver pour des bons prix. T'sais, il est sorti justement sur. C'est plus vraiment next-gen, là, mais c'est current-gen à Star. Là, mais... Ah, c'est donc bien compliqué. C'est ça. La PS4 et la Xbox One, ils ont fait l'édition genre Definitive Edition. Ouais. Fait que celle-là, peut-être, est un peu plus chère, mais si vous voulez, si vous en foutez du HD et d'avoir des beaux graphiques, genre super 4K et tout, là, ben, pognez une vieille version sur console de vieille génération ou de la version PC. T'sais, moi, ma version sur Steam, j'ai payé ça 5$, je pense. Fait que... Parce que c'est tout aussi bon. Ben, quin, c'est le même jeu. Fait que verdict. Bière ou jeu? Jeu? Oh, là, il y a la grosse hésitation, toi, là. Ouais, non, quand même, hein. Puis les deux. Les deux. Ah ouais, je vais dire les deux. Non, mon goût pour la bière, c'est un petit peu amélioré avec le temps. Mais non, c'est deux jeux qui sont... Ben, deux jeux. Deux produits qui s'apprécient bien dans leur temps. Ça précise. Qui s'apprécient. Non, mais... la bière est bonne, comme je disais, c'est une bière franche qui est clean, qui se boit bien. C'est une bonne bière juste pour justement boire de même, qu'il n'y a rien de particulier, de spécial, mais qui est bonne, tu sais. Fait que ça pour ça, je la respecte, puis on aime ça. On aime ça le sinon, le jeu, ben, on en a parlé. C'est un très bon jeu. Fait que, tu sais, hein? Je pense que, tu sais, autant que la bière, justement, tu sais, c'est genre une petite bière tranquille, mais tu sais, Tomb Raider, c'est un peu un petit jeu tranquille aussi. Tu sais, comme je disais, c'est pas un jeu qui est super long à finir. Easy going. Ouais, c'est ça, tu sais. Il n'y a pas un super gros challenge, mais il y en a quand même un assez présent pour que tu te casses la tête une fois de temps en temps. Non, c'est ça. Mais non, ça vaut à peine. Fait que moi, je dirais les deux. Pis toi, pour ma part, ben, m'a dire, à cause du beau walkthrough de break que j'ai pas mis, je vais y aller jeu et demi plus bière. Jeu et demi? Ben, c'est-à-dire demi-jeu. Demi-jeu et la bière. Demi-jeu bière. Correct. Parce que j'ai eu un excellent moment à jouer à ce jeu-là. Ouais. Excellente scène d'action au pluriel, bon flow, ça marche. Oui, je voulais tout trouver pour le voler ma Lara Croft. Là, je voulais qu'elle soit la plus... badass. Badass. Jackie. Boubé, non. Je voulais avoir le meilleur bonhomme pour me rendre jusqu'à la fin. J'ai pas pu me rendre jusqu'à la fin. Il y a tellement d'autres jeux à essayer que malheureusement, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'aurais pu vouloir de l'expérience voir. Que t'aurais eu. C'est ça. Fait que si j'avais pu continuer, j'aurais continué, mais ce qui est pas le cas... Au pire, peut-être une éventuelle console prochaine nouvelle génération que nos chers auditeurs nous auront gracieusement financée. Ben, qu'un. Par on leur attend générosité juste ça. Sans bas. Wink, wink. Clin d'œil. Eh hey boy. Puis, sinon, ouais, cette bière-là qui gagne définitivement à être découverte, à être dégustée et à être consommée encore et encore parce que, ben. Mais tu sais, avec modération aussi, on veut pas vous tuer quand même. Écoute, là, ça prend pas de permis de conduire pour chauffer notre tracteur. C'est vrai. C'est même pas. Je pense qu'il est dans la classe moins 2, lui, tu vois. Là. Tu sais, il y a des classes, là, les permis de classe, mais lui, c'est classe moins 2 le tracteur. T'sais. Nous autres, on est à l'extérieur du gouvernement. Non, c'est ça. Le gouvernement nous affecte pas, nous autres. Fait que, tout ça pour dire que merci encore beaucoup d'avoir été là avec nous pour cet épisode. On vous remercie encore pour votre fidélité, cher auditoire. Ben ouais, puis venez nous jaser sur les Twitter, les Facebook, puis toutes ces affaires-là. N'oubliez pas notre Tumblr, qui a presque rien dessus encore, non. Mais sur lequel vous pourrez voir l'image de notre gagnant du concours de dessin. Ben qu'un, puis juste pour ça, ça vaut la peine d'y aller. Je vous jure. Si vous avez des idées de choses que vous voudriez savoir sur nous, sur nos habitudes de jeu ou de bière ou d'autres affaires, moi j'avais des idées là. Je pensais peut-être comme partager ma vie en général, tu sais là, en salopette de jeans, de différentes photos sur le tour de la grange. Là, ouais, il y a cool. Ça. Tu pourrais mettre aussi ton journal intime en ligne, ce serait pas mal. Mais d'un coup, ça. C'est ça qui lance ma carrière de top modèle. Ah, c'est vrai. Toi qui as toujours voulu être une top modèle, tu sais. Plus que tout. Ça a l'air qu'on choisit Claudia Schiffer à ta place, tu sais. Écoute. Ça a pas ce qui manque. C'est un moment triste. Et sombre dans ma vie. Yes! Encore une fois, n'oubliez pas de peser sur pause et de peser sur continue, puis on se dit à la prochaine. À la prochaine!